chi na renfe Mo tia min zo ti kado Zo ti se ton molikou Zo dio moi chéri tout gentil Mais pour moi ça fait moi plaisir En même temps tu n'as l'émotion Si mon gars t'es pas la nature Je connais pas moi qui la faut A chaque fois quand tu n'as rien fait Moi tiens mine ce petit cadeau Je t'y saute dans mon licou Je dis moi chérie tout gentil Mais pour moi ça fait moi plaisir En même temps tu n'as l'émotion Si mon gars t'es pas la nature Je connais pas moi qui la faute A chaque fois quand tu n'as rien fait Moi tiens mine cadeau pour zo A chaque fois quand tu n'as rien fait Moi tiens mine cadeau pour zo Si li pas tienne ti l'enveloppe Donnez-moi les points bambino A chaque fois quand tu n'as rien fait, moi tu amènes cadeau pour zo. A chaque fois quand tu n'as rien fait, moi tu amènes cadeau pour zo. Si li pa tienne ti l'enveloppe, donnez-moi li points bambino. T'es na Zosline, t'es na Zacline, t'es na Céline, zo kweno fini en ligne. T'es na Leila, t'es na Samantha, t'es na Zovana, get zo ka fini en ta. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi tu amènes cadeau pour zo. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi tu amènes cadeau pour zo. Si li pa tienne ti l'enveloppe, donnez-moi les points bambino. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi tu amènes cadeau pour zo. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi tu amènes cadeau pour zo. Si li pa tienne ti l'enveloppe, donnez-moi les points bambino. T'es na Zosline, t'es na Zacline. T'es na Céline, je crois non fini en ligne. T'es na Leila, t'es na Samantha, t'es na Zovana, et je crois fini en ta. Justine, t'appelles moi bébé. Zacline t'appelle moi gâté, Céline t'appelle moi doudou, Leila t'appelle moi loulou, Samantha t'appelle moi la crème, Zovana t'appelle moi chérie, mais moi pour finir aux autres, je tout m'appelle ce chouchou. Une fois mon petit côté Leila, mon petit blesse ce petit maillot, les petits traites moi petit salaud, les tiens moi deux hommes au pareil. Pas mes tout dans rien c'est le panier, quand ça gagne une indifférence. Si mon gâté pas la nature, je connais pas moi qui la faute. T'es na Zosline, t'es na Zacline, t'es na Céline, je crois non fini en ligne. T'es na Leila, t'es na Samantha, t'es na Zovana, get zo ka fini en ta. A chaque fois que t'es na rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. A chaque fois que t'es na rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. Si li pa tienne ti l'enveloppe, donnez-moi li points bambino. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi j'amène cadeau pour zo. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi j'amène cadeau pour zo. Si li pa tienne ti l'enveloppe, donnez-moi li points bambino. T'es na Zosline, t'es na Zacline, t'es na Céline, zo kweno fini en ligne. T'es na Leila, t'es na Samantha, t'es na Zovana, get zo ka fini en ta. T'es na Zosline, T'es na Zacline, t'es na Céline, zo kweno fini en ligne. T'es na Leila, t'es na Samantha, t'es na Zovana, get zo ka fini en ta.